Souvent, il se trouvait qu'il s'était tant attardé avec la jeune ouvrière avant d'aller chez les Verdurin qu'une fois la petite phrase jouée par le pianiste, Swann s'apercevait qu'il était bientôt l'heure qu'Odette rentrât. Il la reconduisait jusqu'à la porte de son petit hôtel, rue La Pérouse, derrière l'Arc de Triomphe. Et c'était peut-être à cause de cela, pour ne pas lui demander toutes les faveurs, qu'il sacrifiait le plaisir moins nécessaire pour lui de la voir plus tôt, d'arriver chez les Verdurin avec elle, à l'exercice de ce droit qu'elle lui reconnaissait de partir ensemble, et auquel il attachait plus de prix, parce que, grâce à cela, il avait l'impression que personne ne la voyait, ne se mettait entre eux, ne l'empêchait d'être encore avec lui après qu'il l'avait quittée. Ainsi revenait-elle dans la voiture de Swann. Un soir, comme elle venait d'en descendre et qu'il lui disait à demain, elle cueillit précipitamment dans le petit jardin qui précédait la maison un dernier chrysanthème et le lui donna avant qu'il fût reparti. Il le tint serré contre sa bouche pendant le retour et quand, au bout de quelques jours, la fleur fut fanée, il l'enferma précieusement dans son secrétaire. Mais il n'entrait jamais chez elle. Deux fois seulement dans l'après-midi, il était allé participer à cette opération capitale pour elle, prendre le thé. L'isolement et le vide de ces courtes rues, faites presque toutes de petits hôtels contigus dont tout à coup venaient rompre la monotonie quelques sinistres échoppes, témoignages historiques et restes sordides du temps où ces quartiers étaient encore mal famés. La neige qui était restée dans le jardin et aux arbres, le négligé de la saison, le voisinage de la nature, donnait quelque chose de plus mystérieux à la chaleur, aux fleurs qu'il avait trouvées en entrant. Laissant à gauche au rez-de-chaussée surélevé la chambre à coucher d'Odette qui donnait derrière sur une petite rue parallèle, un escalier étroit entre des murs peints de couleurs sombres et d'où tombaient des étoffes orientales, des fils de chapelet turc et une grande lanterne japonaise suspendue à une cordelette de soie, mais qui, pour ne pas priver les visiteurs des derniers conforts de la civilisation occidentale, s'éclairait au gaz, montait au salon et au petit salon. Ils étaient précédés d'un étroit vestibule dont le mur quadrillé d'un treillage de jardin, mais doré, était bordé dans toute sa longueur d'une caisse rectangulaire où fleurissait, comme dans une serre, une rangée de ces gros chrysanthèmes encore rares à cette époque, mais bien éloignés cependant de ceux que les horticulteurs réussirent plus tard à obtenir. Swann était agacé par la mode qui, depuis l'année dernière, se portait sur eux, mais il avait eu plaisir, cette fois, à voir la pénombre de la pièce zébrée de roses, d'oranger et de blanc par les rayons odorants de ces astres éphémères qui s'allument dans les jours gris. Odette l'avait reçue en robe de chambre de soie rose, le cou et les bras nus. Elle l'avait fait asseoir près d'elle dans un des nombreux retraits mystérieux qui étaient ménagés dans les enfoncements du salon, protégés par d'immenses palmiers contenus dans des cache-pots de Chine ou par des paravents auxquels étaient fixées des photographies, des nœuds de ruban et des éventails. Elle lui avait dit « Vous n'êtes pas confortable comme cela. Attendez, moi je vais bien vous arranger. » Et avec le petit rire vaniteux qu'elle aurait eu pour quelque invention particulière à elle, avait installé derrière la tête de Swann, sous ses pieds, des coussins de soie japonaise qu'elle pétrissait comme si elle avait été prodigue de ses richesses et insoucieuse de leur valeur. Mais, quand le valet de chambre était venu apporter successivement les nombreuses lampes qui, presque toutes enfermées dans des potiches chinoises, brûlaient isolées ou par couple, toutes sur des meubles différents comme sur des autels, et qui, dans le crépuscule déjà presque nocturne de cette fin d'après-midi d'hiver, avait fait reparaître un coucher de soleil plus durable, plus rose et plus humain, faisant peut-être rêver dans la rue quelque amoureux arrêté devant le mystère de la présence que décelait et cachait à la fois les vitres rallumées. Elle avait surveillé sévèrement du coin de l'œil le domestique pour voir s'il les posait bien à leur place consacrée. Elle pensait qu'en en mettant une seule là où il ne fallait pas, l'effet d'ensemble de son salon eût été détruit, et son portrait, placé sur un chevalet oblique drapé de peluche, mal éclairé. Aussi suivait-elle avec fièvre les mouvements de cet homme grossier, et le réprimanda-t-elle vivement parce qu'il avait passé trop près de deux jardinières qu'elle se réservait de nettoyer elle-même, dans sa peur qu'on ne les abîmât, et qu'elle alla regarder de près pour voir s'il ne les avait pas écornées. Elle trouvait à tous ces bibelots chinois des formes amusantes, et aussi aux orchidées, aux cattleyas surtout, qui étaient, avec les chrysanthèmes, ses fleurs préférées, parce qu'ils avaient le grand mérite de ne pas ressembler à des fleurs, mais d'être en soie, en satin. Celle-là a l'air d'être découpée dans la doublure de mon manteau, dit-elle à Swann en lui montrant une orchidée avec une nuance d'estime pour cette fleur si chic, pour cette sœur élégante et imprévue que la nature lui donnait, si loin d'elle dans l'échelle des êtres et pourtant raffinée, plus digne que bien des femmes, qu'elle lui fit une place dans son salon. En lui montrant tour à tour des chimères à langue de feu décorant une potiche ou brodées sur un écran, les corolles d'un bouquet d'orchidées, un dromadaire d'argent niellé aux yeux incrusté de rubis qui voisinait sur la cheminée avec un crapaud de jade, elle affectait tour à tour d'avoir peur de la méchanceté, ou de rire de la cocasserie des monstres, de rougir de l'indécence des fleurs, et d'éprouver un irrésistible désir d'aller embrasser le dromadaire et le crapaud qu'elle appelait « chéri ». Et ses affectations contrastaient avec la sincérité de certaines de ses dévotions, notamment à Notre-Dame de Lagé, qui l'avait jadis, quand elle habitait Nice, guérie d'une maladie mortelle et dont elle portait toujours sur elle une médaille d'or à laquelle elle attribuait un pouvoir sans limite. Odette fit à Swann son thé, lui demanda « Citron ou crème ?» Et comme il lui répondit « Crème », lui dit en riant « Un nuage !» Et comme il le trouvait bon, « Vous voyez que je sais ce que vous aimez. » Ce thé, en effet, avait paru à Swann quelque chose de précieux comme elle-même, et l'amour a tellement besoin de se trouver une justification, une garantie de durée, dans des plaisirs qui, au contraire, sans lui n'en seraient pas et finissent avec lui, que quand il l'avait quittée à cette heure pour rentrer chez lui s'habiller, pendant tout le trajet qu'il fit dans son coupé, ne pouvant contenir la joie que cet après-midi lui avait causée, il se répétait « Ce serait bien agréable d'avoir ainsi une petite personne chez qui on pourrait trouver cette chose si rare, du bon thé. » Une heure après, il reçut un mot d'Odette et reconnut tout de suite cette grande écriture dans laquelle une affectation de raideur britannique imposait une apparence de discipline à des caractères informes qui eussent signifié peut-être pour des yeux moins prévenus le désordre de la pensée, l'insuffisance de l'éducation, le manque de franchise et de volonté. Swann avait oublié son étui à cigarette chez Odette. « Que n'y avez-vous oublié aussi votre cœur ? Je ne vous aurais pas laissé le reprendre. » Une seconde visite qu'il lui fit eut plus d'importance peut-être. En se rendant chez elle ce jour-là comme chaque fois qu'il devait la voir, d'avance il se la représentait. Et la nécessité où il était, pour trouver jolie sa figure, de limiter aux seules pommettes roses et fraîches les joues qu'elle avait si souvent jaunes, languissantes, parfois piquées de petits points rouges, l'affligeait comme une preuve que l'idéal est inaccessible et le bonheur médiocre. Il lui apportait une gravure qu'elle désirait voir. Elle était un peu souffrante. Elle le reçut en peignoir de crêpe de Chine mauve, ramenant sur sa poitrine comme un manteau une étoffe richement brodée. Debout à côté de lui, laissant couler le long de ses joues ses cheveux qu'elle avait dénoués, fléchissant une jambe dans une attitude légèrement dansante pour pouvoir se pencher sans fatigue vers la gravure qu'elle regardait, en inclinant la tête, de ses grands yeux si fatigués et maussades quand elle ne s'animait pas, elle frappa Swann par sa ressemblance avec cette figure de Zéphora, la fille de Jéthro, qu'on voit dans une fresque de la chapelle Sixtine. Swann avait toujours eu ce goût particulier d'aimer à retrouver dans la peinture des maîtres non pas seulement les caractères généraux de la réalité qui nous entoure, mais ce qui semble au contraire le moins susceptible de généralité, les traits individuels des visages que nous connaissons. Ainsi, dans la matière d'un buste du doge Loredan par Antoine Rizzo, la saillie des pommettes, l'obliquité des sourcils, enfin la ressemblance criante de son cocher Rémy. Sous les couleurs d'un guirlandaggio, le nez de Monsieur de Palancy. Dans un portrait de Tintoret, l'envahissement du gras de la joue par l'implantation des premiers poils des favoris, la cassure du nez, la pénétration du regard, la congestion des paupières du docteur du Boulbon. Peut-être, ayant toujours gardé un remords d'avoir borné sa vie aux relations mondaines, à la conversation, croyait-il trouver une sorte d'indulgent pardon à lui accordé par les grands artistes dans le fait qu'ils avaient eux aussi considéré avec plaisir, fait entrer dans leur œuvre, de tels visages qui donnent à celle-ci un singulier certificat de réalité et de vie, une saveur moderne. Peut-être aussi s'était-il tellement laissé gagner par la frivolité des gens du monde qu'il éprouvait le besoin de trouver dans une œuvre ancienne ces allusions anticipées et rajeunissantes à des noms propres d'aujourd'hui. Peut-être, au contraire, avait-il gardé suffisamment une nature d'artiste pour que ses caractéristiques individuelles lui causassent du plaisir en prenant une signification plus générale dès qu'il les apercevait, déracinés, délivrés, dans la ressemblance d'un portrait plus ancien avec un original qu'il ne représentait pas. Quoi qu'il en soit, et peut-être parce que la plénitude d'impression qu'il avait depuis quelque temps, et bien qu'elle lui fût venue plus tôt avec l'amour de la musique, avait enrichi même son goût pour la peinture, le plaisir fut plus profond, et devait exercer sur Swann une influence durable, qu'il trouva à ce moment-là dans la ressemblance d'Odette avec la Zéphora de ce Sandro di Mariano, auquel on donne plus volontiers son surnom populaire de Botticelli, depuis que celui-ci évoque, au lieu de l'œuvre véritable du peintre, l'idée banale et fausse qui s'en est vulgarisée. Il n'estima plus le visage d'Odette selon la plus ou moins bonne qualité de ses joues, et d'après la douceur purement carnée qu'il supposait devoir leur trouver en les touchant avec ses lèvres, si jamais il osait l'embrasser, mais comme un écheveau de lignes subtiles et belles que ses regards dévidèrent, poursuivant la courbe de leur enroulement, rejoignant la cadence de la nuque à l'effusion des cheveux et à la flexion des paupières, comme en un portrait d'elle en lequel son type devenait intelligible et clair. Il la regardait. Un fragment de la fresque apparaissait dans son visage et dans son corps, que dès lors il chercha toujours à y retrouver, soit qu'il fût auprès d'Odette, soit qu'il pensât seulement à elle. Et bien qu'il ne tînt sans doute au chef-d'œuvre florentin que parce qu'il le retrouvait en elle, pourtant cette ressemblance lui conférait à elle aussi une beauté, la rendait plus précieuse. Swann se reprocha d'avoir méconnu le prix d'un être qui eût paru adorable au grand Sandro, et il se félicita que le plaisir qu'il avait à voir Odette trouvât une justification dans sa propre culture esthétique. Il se dit qu'en associant la pensée d'Odette à ses rêves de bonheur,

et il contemplerait avec curiosité sur son visage et dans ses paroles ce qu'elle lui avait caché jusque-là de son cœur. Rien qu'en approchant de chez les Verdurin, quand il apercevait, éclairé par des lampes, les grandes fenêtres dont on ne fermait jamais les volets, il s'attendrissait en pensant à l'être charmant qu'il allait voir épanoui dans leur lumière d'or. Parfois, les ombres des invités se détachaient, minces et noires, en écran devant les lampes, comme ces petites gravures qu'on intercale de place en place dans un abat-jour translucide dont les autres feuillets ne sont que clarté. Il cherchait à distinguer la silhouette d'Odette, puis, dès qu'il était arrivé, sans qu'il s'en rendît compte, ses yeux brillaient d'une telle joie que M. Verdurin disait au peintre « Je crois que ça chauffe ». Et la présence d'Odette ajoutait en effet pour Swann à cette maison ce dont n'était pourvue aucune de celles où il était reçu. Une sorte d'appareil sensitif, de réseau nerveux qui se ramifiait dans toutes les pièces et apportait des excitations constantes à son cœur. Ainsi, le simple fonctionnement de cet organisme social qu'était le petit clan prenait automatiquement pour Swann des rendez-vous quotidiens avec Odette et lui permettait de feindre une indifférence à la voir, ou même un désir de ne plus la voir, qui ne lui faisait pas courir de grands risques, puisque, quoi qu'il eût écrit dans la journée, il la verrait forcément le soir et la ramènerait chez elle. Mais une fois qu'ayant songé avec maussaderie à cet inévitable retour ensemble, il avait emmené jusqu'au bois sa jeune ouvrière pour retarder le moment d'aller chez les Verdurin. Il arriva chez eux si tard qu'Odette, croyant qu'il ne viendrait plus, était partie. En voyant qu'elle n'était plus dans le salon, Swann ressentit une souffrance au cœur. Il tremblait d'être privé d'un plaisir qu'il mesurait pour la première fois, ayant eu jusque-là cette certitude de le trouver quand il voulait, qui, pour tous les plaisirs, nous diminue ou même nous empêche d'apercevoir aucunement leur grandeur. « As-tu vu la tête qu'il a faite quand il s'est aperçu qu'elle n'était pas là ?» dit M. Verdurin à sa femme. « Je crois qu'on peut dire qu'il est pincé. » « La tête qu'il a faite ?» demanda avec violence le docteur Cottard qui, étant allé un instant voir un malade, revenait chercher sa femme et ne savait pas de qui on parlait. « Comment ? Vous n'avez pas rencontré devant la porte le plus beau des Swann ?»« Non, Monsieur Swann est venu. »« Oh, un instant seulement. Nous avons eu un Swann très agité, très nerveux. Vous comprenez, Odette était partie. » « Vous voulez dire qu'elle est du dernier bien avec lui, qu'elle lui a fait voir l'heure du berger ?» dit le docteur, expérimentant avec prudence le sens de ses expressions. « Mais non, il n'y a absolument rien, et entre nous je trouve qu'elle a bien tort et qu'elle se conduit comme une fameuse cruche, qu'elle est du reste. »« Ta ta ta !» dit M. Verdurin, « qu'est-ce que tu en sais qu'il n'y a rien ? Nous n'avons pas été y voir, n'est-ce pas ?» « À moi, elle me l'aurait dit !» répliqua fièrement Madame Verdurin. « Je vous dis qu'elle me raconte toutes ses petites affaires. Comme elle n'a plus personne en ce moment, je lui ai dit qu'elle devrait coucher avec lui. Elle prétend qu'elle ne peut pas, qu'elle a bien eu un fort béguin pour lui, mais qu'il est timide avec elle, que cela l'intimide à son tour, et puis qu'elle ne l'aime pas de cette manière-là. » Que c'est un être idéal, qu'elle a peur de déflorer le sentiment qu'elle a pour lui, est-ce que je sais, moi ? Ce serait pourtant absolument ce qu'il lui faut. « Tu me permettras de ne pas être de ton avis, » dit M. Verdurin. « Il ne me revient qu'à demi, ce monsieur, je le trouve poseur. » Madame Verdurin s'immobilisa, prit une expression inerte comme si elle était devenue une statue, fiction qui lui permit d'être censé ne pas avoir entendu ce mot insupportable de poseur qui avait l'air d'impliquer qu'on pouvait poser avec eux, donc on était plus qu'eux. « Enfin, s'il n'y a rien, je ne pense pas que ce soit que ce monsieur la croit vertueuse, » dit ironiquement M. Verdurin. Et après tout, on ne peut rien dire puisqu'il a l'air de la croire intelligente. Je ne sais si tu as entendu ce qu'il lui débitait l'autre soir sur la sonate de Vinteuil. J'aime Odette de tout mon cœur, mais pour lui faire des théories d'esthétique, il faut tout de même être un fameux jobard. Voyons, ne dites pas du mal d'Odette, dit Madame Verdurin en faisant l'enfant. Elle est charmante. Mais cela ne l'empêche pas d'être charmante. Nous ne disons pas du mal d'elle. Nous disons que ce n'est pas une vertu ni une intelligence. Au fond, dit-il au peintre, tenez-vous tant que ça ce qu'elle soit vertueuse. Elle serait peut-être beaucoup moins charmante, qui sait. Sur le palier, Swann avait été rejoint par le maître d'hôtel qui ne se trouvait pas là au moment où il était arrivé et avait été chargé par Odette de lui dire, mais il y avait bien une heure déjà, au cas où il viendrait encore, qu'elle irait probablement prendre du chocolat chez Prévost avant de rentrer. Swann partit chez Prévost, mais à chaque pas sa voiture était arrêtée par d'autres ou par des gens qui traversaient, odieux obstacle qu'il eût été heureux de renverser si le procès-verbal de l'agent ne l'eût retardé plus encore que le passage du piéton. Il comptait le temps qu'il mettait, ajoutait quelques secondes à toutes les minutes pour être sûr de ne pas les avoir faites trop courtes, ce qui lui eût laissé croire plus grande qu'elle n'était en réalité sa chance d'arriver assez tôt et de trouver encore Odette. Et à un moment, comme un fiévreux qui vient de dormir et qui prend conscience de l'absurdité des rêvasseries qu'il ruminait sans se distinguer nettement d'elle, Swann, tout d'un coup, aperçut en lui l'étrangeté des pensées qu'il roulait depuis le moment où on lui avait dit chez les Verdurin qu'Odette était déjà partie. La nouveauté de la douleur au cœur dont il souffrait, mais qu'il constata seulement comme s'il venait de s'éveiller. Quoi ? Toute cette agitation parce qu'il ne verrait Odette que demain ? Ce que précisément il avait souhaité il y a une heure en se rendant chez Madame Verdurin ? Il fut bien obligé de constater que, dans cette même voiture qui l'emmenait chez Prévost, il n'était plus le même et qu'il n'était plus seul, qu'un être nouveau était là avec lui, adhérent, amalgamé à lui, duquel il ne pourrait peut-être pas se débarrasser, avec qui il allait être obligé d'user de ménagement comme avec un maître ou avec une maladie. Et pourtant, depuis un moment qu'il sentait qu'une nouvelle personne s'était ainsi ajoutée à lui, sa vie lui paraissait plus intéressante. C'est à peine s'il se disait que cette rencontre possible chez Prévost, de laquelle l'attente saccageait, dénudait à ce point les moments qui la précédaient, qu'il ne trouvait plus une seule idée, un seul souvenir derrière lequel il pût faire reposer son esprit. Il était probable pourtant, si elle avait lieu, qu'elle serait comme les autres, fort peu de choses. Comme chaque soir, dès qu'il serait avec Odette, jetant furtivement sur son changeant visage un regard aussitôt détourné de peur qu'elle n'y vît l'avance d'un désir et ne crût plus à son désintéressement, il cesserait de pouvoir penser à elle, trop occupé à trouver des prétextes qui lui permissent de ne pas la quitter tout de suite et de s'assurer, sans avoir l'air d'y tenir, qu'il la retrouverait le lendemain chez les Verdurin. C'est-à-dire de prolonger pour l'instant et de renouveler un jour de plus la déception et la torture que lui apportait la vaine présence de cette femme qui l'approchait sans oser l'étreindre.